Radiomatique. C'est sur la musique de l'artiste Camila Moreno que s'ouvrait la transmission 4-2-1 d'Audiomatique. De son plus récent album intitulé Rey, nous écoutions la pièce Quememos el Reino. Et maintenant, c'est au tour d'un certain groupe anglais nommé On a Friday d'assurer la continuité à Audiomatique. À Audiomatic, c'était le groupe canadien Download qui a été fondé, entre autres, par des membres de Skinny Poppy en 1994 et de qui on entendait la pièce-titre du mini-album Microscopic à laquelle participaient Feu Genesis Peerage, ex-membre de Throbbing Gristle et de Psychic TV. Précédemment à Download, il s'agissait du groupe anglais On a Friday, qui est en fait le premier groupe qu'a formé les membres de Radiohead en 1985. Nous vous avons offert la version démo de la chanson To Be a Brilliant Light, que l'on retrouve sur l'album On a Friday Demos 1988 à 1990. Et c'est maintenant sur la musique du trio mené par le batteur Ernesto Zeppa que se poursuit Audiomatic. Thank you. À Audiomatic, nous venons tout juste d'écouter la formation Mogwai et sa pièce Don't Believe the Fife, tirée de l'album Every Country Son, qui est paru en 2017. Avant cela, nous entendions le trio du batteur argentin Ernesto Zeppa, qui est constitué de Hernan Lugano au piano et de Juan Pablo Navarro à la contrebasse. Il nous jouait la composition Años sin ver la luz, apparaissant sur l'album Sessions Volume 1 Aires con Memoria. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe anglais Killing Joke. language, the language of the future. I'm told he lost his mind, they say he went away. Navigating empty streets, astray among the lost, a shadow in the corner of a stranger's eye. But there's nothing left to learn. Do you count the years? Do you breathe? Do you still watch the sunrise? But there's nothing left to learn. Do you count the years? Do you breathe? Do you still watch the sunrise? Took me further than I ever dreamt. I don't even need a mirror anymore. The penthouse pool is full of ice. It should be flowers. Winter came too soon. But you never like to swim. Do you feel safe? Are you happy? Do you still know my name? You never like to swim. Do you feel safe? Are you happy? Do you still know my name? Nous avions droit à Audiomatic, à la formation suédoise Covenant et sa chanson Still Life, qui est tirée de son quatrième album United States of Mind, lancé en 2000. Tout juste avant, nous écoutions le groupe anglais Killing Joke. Nous entendions la pièce Panopticon, que l'on retrouve sur la version limitée de l'album Pylon, sorti en 2015. La transmission 4-2-1 d'Audiomatic se terminera sur la musique de la formation belge Vomito Negro, un nom faisant référence à ce symptôme sordide de la peste noire. Nous allons écouter la pièce Human tirée de l'album intitulé Human, the Cross on Nature's Back, paru en 1990. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomaticcfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer vos mythos negro et la pièce Human. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.